je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground ? Qui l'a développé ? Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce 45e numéro de Ludologie aujourd'hui en plein printemps avec un nouvel invité après le précédent épisode où nous accueillons Eric Vienneau pour parler des jeux qui débordent sur le réel. Aujourd'hui, on va revenir un peu à la conception, à la construction du jeu et puis surtout aux personnes qui s'en occupent, à savoir les game designers. Pour ça, j'ai le plaisir d'être accompagné par Célène qui va poser des questions avec moi à notre invité. Et notre invité est lui-même, bien évidemment, game designer. Alors non seulement il est game designer, mais en plus il a plein de choses à dire sur le sujet et pour cause. On lui doit la création du studio Dem Games. Il a été, alors il nous dira s'il le fait toujours, même si je crois que c'est un petit peu moins présent dans son calendrier, responsable de l'espace jeux vidéo à la Gaîté Lyrique. Il travaille désormais pour une société qui s'appelle Black Nut, dont il nous dira un petit peu plus tout à l'heure, d'autant plus que ça nous intéresse puisque Black Nut est installé pour partie à Rennes, et comme vous ne l'ignorez probablement pas, l'équipe du podcast est quand même largement majoritairement rennaise. Notre invité, c'est bien évidemment Oscar Barda. J'ose espérer que vous l'aviez reconnu. Si oui, ça veut dire que vous êtes un peu quand même rencardé sur le monde des jeux, et c'est très bien. On vous en félicite. En tout cas, on va pouvoir discuter avec lui sur ce nouveau numéro de Ludologie pendant une petite heure. On vous remercie à nouveau de nous écouter, puis on le remercie surtout de bien avoir voulu nous rejoindre dans l'Ouest pour échanger avec nous sur qu'est-ce qui fait les game designers, comment on fait les game designers. On verra bien si c'est pour les game designers filles dans les choux et pour les game designers garçons dans les roses, ou si c'est un peu plus compliqué que ça. Oscar Barda, bonjour. Est-ce que tu as des choses en plus à dire pour te présenter que ce que j'ai déjà pu dire? Pas grand-chose. Ce qui fait la particularité de mon parcours, c'est effectivement d'avoir commencé par le game design, mais d'avoir très vite... Par envie de varier les plaisirs, d'avoir très vite travaillé le game design d'abord comme outil de persuasion, puis ensuite d'avoir bossé avec des institutions, des musées, etc. Un peu avant que ça commence à se faire. C'est ce qui s'est passé à la Gaîté Lyrique, en fait. Quand on m'a demandé de venir à la Gaîté Lyrique créer un espace jeu vidéo, je me suis dit easy peasy, les doigts dans le pif. J'y vais, je vais copier-coller ce qui a été fait ailleurs, pas de problème. Sauf qu'en 2010, en fait, personne n'avait jamais fait un lieu culturel avec un espace jeu vidéo libre, gratuit d'accès, avec des programmations thématiques qui allaient avec. La curation du jeu, donc on appelle ça de temps en temps le commissariat, mais bon, dire bonjour, je suis le commissaire, ça fait un petit peu chelou. Donc. On utilise aussi le mot curation, donc la sélection de jeux en fonction de thèmes, de manière hyper régulière. Au début, c'était une fois toutes les semaines, donc c'est 7 jeux toutes les semaines, il faut les trouver pour qu'ils soient très souvent différents. C'était assez peu développé, donc effectivement voilà, maintenant je ne travaille plus à la Gaîté Lyrique, mais ayant parcouru ce truc d'éclatement, j'ai beaucoup écrit sur les jeux, j'ai fait aussi beaucoup de je me suis fait l'avocat du jeu vidéo auprès de beaucoup de bibliothèques dans une quinzaine de pays. Je suis allé montrer aux gens comment on fait justement ce métier de sélectionner des jeux, comment est-ce que le jeu vidéo et le jeu en général est un objet culturel qui va avec les autres, et que donc quand on est dans une bibliothèque et qu'on fait une sélection d'œuvres sur le Kamchatka ou je ne sais quoi, ou sur le bonheur ou sur la sexualité, on peut mettre des livres et des films et des jeux vidéo côte à côte, et ça a du sens et ça permet d'explorer plus profondément la façon dont la condition humaine s'approche de ce thème. Donc voilà, mon parcours, c'est effectivement d'être game designer, mais la partie atypique, c'est justement d'avoir un peu explosé ce rôle-là. Du coup, avec tout ça, on peut attaquer le sujet très frontalement et de façon très générale. Est-ce que tu penses qu'il y a une recette miracle adaptable et généralisable à tout le monde pour créer un game designer? Alors moi, je suis pas, je suis votre podcast, mais pas avec la parfaite assiduité. Et donc peut-être l'avez-vous déjà exploré, mais à votre avis, qu'est-ce qu'un game designer ou une game designeuse, puisque on a utilisé une féminisation. Alors effectivement, je pense que t'es pas très assidu avec le podcast, parce que normalement c'est nous qui posons les questions, quand même. Et à ton avis, qu'est-ce que c'est un game designer? Avant toute chose, avant de dire comment est-ce qu'on les fait, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors ça revient à d'abord définir le game, ce que c'est que le jeu, pour ensuite, donc game et design, hein, c'est juste la sémantique du jeu et de la conception du jeu. Donc les concepteurs de jeu, effectivement, on pourrait dire que c'est tout un peu tout et n'importe qui à l'intérieur d'une équipe. Très souvent, moi, on me dit « Ah, vous êtes game designer, vous faites les graphismes. » Donc, on a l'idée du designer. Et nous, on rigole dans le jeu vidéo, mais c'est tellement courant comme question, qui est d'ailleurs une chance absolument incroyable que j'ai eue, moi, de pouvoir aller voir justement beaucoup de gens hors du jeu vidéo et de leur en causer, de m'apercevoir de tous les biais intellectuels qu'ils ont sur ces trucs-là. Donc voilà, comment est-ce qu'on définit le jeu? Donc, moi, c'est un travail que j'ai fait pendant très longtemps. Depuis que j'ai 15 piges que je m'y intéresse, je me suis demandé ce que c'était que le jeu. D'abord, il y a les définitions du dictionnaire. Alors, très, très, très, très vite, on s'aperçoit que le dictionnaire, c'est chiant. Ça ne fait que raconter le jeu, c'est ça et ça et ça, parce que les gens, ils font ça dans la vie et qu'ils appellent ça du jeu. Ensuite, il y a des définitions un peu plus vieilles, celles de Kaiwa, celles de Huizinga, qui sont le jeu, c'est libre, le jeu, c'est... séparé de la réalité, le jeu c'est fictif, etc. Enfin bon, voilà. Ils ont des grandes listes de trucs qui considèrent le jeu. Et moi, c'est pour le moment mon esprit de game designer, mais je cherchais un truc plus élégant en termes de définition. Ça, c'est typiquement un mot de game designer. Je cherchais un truc qui soit plus efficace en mots. Et donc, la définition sur laquelle je me suis arrêté après très longtemps, c'est le jeu, c'est la fiction du faire. D'accord ? Dès qu'on fait semblant, dès qu'on fait faire semblant aux autres, alors on est en train de game designer. D'accord, donc vous dessinez des carrés et la personne fait semblant que ça devient hyper important pour elle de sauter de carré en carré. Vous avez fait la marelle, vous êtes game designer ou game designeuse de la marelle. Toute l'idée, donc, ça va être de réussir, ayant défini le jeu, de définir qui est créateur de jeu. Et donc, à mon sens, les game designers, c'est ceux qui... Vous connaissez le MDA, ça vous cause direct. Le MDA, c'est un cadre analytique qui s'appelle Mechanic Dynamic Aesthetics, parce que les Anglais, c'est des snobs, alors ils mettent esthétique avec un A dans le. Les game designers, game designers, leur travail, c'est d'utiliser ces trois pans-là, justement, pour réussir à fabriquer du sens. Donc, ils vont fabriquer un jeu. Si ça vous intéresse, il y a une vidéo sur la chaîne de Them Games où j'ai expliqué un petit peu le MDA. Allez hop, je plug mes conneries. Donc mécanique, c'est la règle du jeu. Alors un exemple que je peux prendre qui est assez courant, c'est de dire les échecs au moment où ils sont créés. Le but, c'est de buter le chef adverse, le roi adverse. En l'occurrence, c'est un prince, mais bon, voilà. Et quand, passant par le Moyen-Orient, ils arrivent dans les principautés italiennes, les gens disent « Ah mais non, pas du tout, en fait, le prince et le roi, ils sont là de droit divin, on ne peut pas les tuer. » Et donc la règle des échecs change. Et dans la règle des échecs, il est écrit qu'un roi est invulnérable. Et donc la règle, elle discourt sur l'état du monde. Elle fabrique du sens, et elle fabrique du sens au sens où, voilà, dans les principautés italiennes, les rois, bon, ok, mais les reines, les dames, c'est elles qui font la diplomatie, en fait. Parce que le roi, il est trop précieux et il a autre chose à foutre, il se touche la nouille toute la journée, et donc il reste en place, il se déplace très lentement, etc. Alors que la dame, elle voyage partout et elle fait tout le taf, globalement. Ce qui se passe dans les échecs. Et donc les échecs ont, par leurs règles, un discours sur le monde. Donc ça, c'est les mécaniques. La deuxième, c'est les dynamiques. Alors les dynamiques, c'est extrêmement évident. Vous prenez le Monopoly, vous avez un set de règles complètement inertes qui ont, comme on l'a dit juste avant, un discours sur le monde. Et de ce set de règles inertes, à aucun moment à l'intérieur des règles, il y a écrit « vous devez vous détester ». Et pourtant, immanquablement, tout le monde se hait à la fin du Monopoly. Et c'est ça la dynamique, c'est-à-dire c'est savoir créer à travers des ensembles de règles des gens qui... des effets sur les gens, en fait, des sentiments, etc. Et l'esthétique, c'est tout le reste. Alors tout le reste, évidemment, les game designers doivent le prendre en compte. Donc l'esthétique, ça va être Le texte, ça va être l'art pictural, la photo, la représentation, l'animation, évidemment. Donner vie aux choses, c'est hyper important, ça a un sens aussi. Ce dont moi je me suis aperçu quand on a fabriqué un jeu qui s'appelle InSync avec Them Games, qui sont des formes abstraites et qui pourtant, par leur animation, ont tellement de vie et de caractère qu'on se dit, oui, effectivement, l'animation, ça a du sens, ça donne du sens aussi. Et donc, les game designers doivent aussi communiquer avec ça. Donc moi, game designeuse, je dirais, il faut que je crée un sens de lourdeur ou de lenteur au roi. Et ben le roi, je vais lui donner une animation lente. Et donc, je peux faire la direction artistique de l'animation en lui disant, j'ai besoin de telle animation. Je vais lui donner des règles du jeu qui font qu'il ne peut se déplacer que d'une case. Et on va faire la règle du jeu. Et ensuite, les codeurs, bah évidemment, les codeurs vont pouvoir... Donc, tout le monde peut se saisir de ça. Les game designers font du sens à travers la fiction du faire. Donc, ils font faire aux autres à travers ce framework d'analyse. Il marche assez bien, le MDA, Mécanique Dynamique Esthétique. Il fabrique du sens comme ceci. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on apprend ça? Aujourd'hui, il y a des écoles. J'imagine que quand tu as commencé, c'était peut-être un petit peu moins le cas. C'est quoi le parcours? C'est quoi les apprentissages? C'est quoi les compétences qu'on développe en tant que game designer ou qu'on développe pour pouvoir devenir game designer ou game designeuse? Alors, femmes et hommes à l'intérieur de ce métier commencent effectivement par se dire « Oh, il y a une école, j'aurais qu'à aller dans une école. » Effectivement, je déteste les gens qui font « back in the day, quand j'étais jeune ». Donc voilà, effectivement, il y a un bout de temps, il n'y avait pas d'école, maintenant il y en a. C'est intéressant de voir que dans ces écoles, on travaille des jeux en général un petit peu plus fins, etc. Mais on fabrique surtout des couteaux suisses dans ces écoles, ce qui, moi, me chagrine un peu. C'est-à-dire qu'on fabrique des gens qui savent un peu faire du code et un peu du game design et un peu du graphisme, mais il y a assez peu d'écoles qui se spécialisent vraiment dans fabriquer des game designers qui sont super efficaces. Et qui ne savent faire que ça. Il y en a une qui est très très célèbre et qui fabrique les meilleurs game designers du monde à mon sens, qui est NYU, donc New York University. Il y en a quelques autres aux États-Unis qui se focalisent vraiment sur le game design, mais en France on en a assez peu. On a beaucoup, surtout d'écoles qui font des couteaux suisses. N'empêche que on peut très bien aller dans ces écoles. Il y a des enseignants qui sont tout à fait excellent et qui vont vous apprendre les bases de plein de métiers. Et c'est d'ailleurs très bien de connaître un peu le métier des autres, parce qu'il faut le reconnaître, même dans des très grands studios, moi j'ai eu la chance de travailler avec des Ubisoft, des Electronic Arts, etc. Même dans des très grands studios, tout le monde ne sait pas forcément très bien ce que font les game designers et quel est leur rôle et quels sont leurs outils pour faire sens. Donc, résultat, vous allez vous retrouver avec des gens face à vous qui vous disent... Ah, t'as fait une règle avec le roi qui est très lent. Ah, c'est pas mal. Mais on s'est aperçu que les joueurs aimaient pas trop le roi lent. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un roi rapide? Mais en fait, c'est pas du tout le sens que je veux porter. Donc voilà, il y a quand même, malgré des gens qui ont 10 ans d'ancienneté dans l'animation ou le graphisme ou la 3D, etc., qui font encore des contresens assez étranges sur les game designers. Donc, ok, on a des écoles pour s'enseigner. Pour se former, mais n'importe qui a commencé à taffer vous le dira, en fait on apprend aussi énormément et peut-être même bien plus en faisant qu'en étant derrière un banc d'école. Alors, résultat, comment est-ce que dans la vie on apprend à être des game designers? Et je disais tout à l'heure que le jeu c'est la fiction du faire. Il faut tout faire. Voilà. Pour savoir ce que ça fait dans la vie de faire du saut en parachute, allez hop, faut sauter. Pour savoir ce que c'est que collectionner des pailles fantasy ou des timbres, il faut aller soit causer à des gens qui le font avec une vraie sincérité, soit... Voilà. Et c'est la même chose pour tout, en fait. Il faut aller s'intéresser aux gens qui le font en vrai. Et c'est comme ça qu'effectivement, on se sortira du truc où il y a un million de jeux de guerre qui ne ressemblent pas du tout à ce que c'est que faire la guerre. Si on avait trois des mecs qui font Call of Duty, qui allaient un petit peu causer à des jeunes qui ont 16 piges et qui reviennent de la guerre en Irak, probablement que leur jeu ne ressemblerait pas du tout à ce à quoi il ressemble. Donc, et c'est aussi, moi je dis ça, je prêche un peu pour ma paroisse parce que c'est aussi ma philosophie de vie qui est que on devient plus sage en aimant plus. Donc il faut se rapprocher de gens très différents de nous, apprendre à les aimer. Il faut comprendre comment les gens qui pensent différemment de nous, même des gens qui ont des idées que moi je déteste, j'essaie de comprendre comment ils pensent. Et comprenant leurs pensées, comprenant les systèmes à l'intérieur desquels ils vivent, que ce soit des systèmes politiques, que ce soit des systèmes de réflexion, des systèmes philosophiques, les comprenant, on devient meilleur game designer, meilleur game designer. Et pour moi, c'est vraiment essentiel justement de dire on n'arrive pas en sortie d'école bon game designer. Et c'est impossible de prétendre aujourd'hui qu'on peut être excellent game designer, excellente game designeuse, sans se saisir des textes théoriques, sans se saisir de la philosophie qui nous a précédés, sans se saisir de l'art en général. Ou alors, c'est un coup de chance. Et très honnêtement, je n'en ai jamais vu. De jeu avec un game design absolument explosif et renversant pour l'humanité, fait par des gens qui ne s'intéressent pas à l'humanité, je n'ai jamais vu de ma vie. Et pourtant, des jeux, j'en ai un paquet. Du coup, en extrapolant un peu de tout ce que tu nous dis là, est-ce qu'on pourrait dire que un excellent système politique pourrait être conçu par un game designer ? Alors, justement, un des trucs très intéressants, c'est que les game designers ou game designeuses sont au même sens que les graphistes, des artistes qui ont un truc à faire. Donc, ils sont artistes, mais ils ne sont pas entièrement libres. Alors, résultat, ils sont dans des systèmes, dans du code, dans l'ensemble de trucs qui vont formater leurs pensées et leurs outils d'expression. Donc, ils ne sont pas artistes complètement libres, mais ils ont ce truc-là d'artiste quand même. Et donc, ils ont un truc à dire et un point de vue biaisé. Et nous tous, on nous a souvent prétendu que le jeu, c'était une perte de temps. Et en fait, le truc, c'est que vivant dans les bottes d'autres gens, jouant aux jeux d'autres game designers qui sont différents, qui ont d'autres points de vue sur le monde que nous, en fait, on perd pas du temps, on gagne du temps. Parce qu'on voit le début de leur pensée du monde dans lequel ils vivent, et donc on s'économise, nous, du temps, puisqu'on n'a pas besoin de vivre leur vie en entier. Donc, pour moi, ça, c'est hyper intéressant de se confronter aux autres. Mais est-ce que ces gens-là, avec tous leurs biais, avec tous leurs passifs, feraient des bons systèmes politiques? C'est pas dit. Un des trucs que moi je trouve plus intéressant, c'est de dire, par exemple, il faut faire designer des systèmes politiques à un ensemble de gens et dire, sachez tous autour de la table qui designait ce système politique, qu'à la fin, on tirera les dés et ça déterminera à quel endroit vous finirez dans ce système politique. Et donc, vous avez intérêt à fabriquer un système politique dans lequel toi, si t'es éboueur, tu seras heureux. Parce que si vous faites un système politique dans lequel les éboueurs sont tout en bas de la chaîne et les politiques sont très riches, vous êtes potentiellement en train de vous niquer vous-même. Donc pour moi, il faut game designer le game design d'un système politique. C'est-à-dire qu'il faut fabriquer le processus de fabrication de façon à ce que les gens qui travaillent, si tu veux, puissent le fassent sans les biais humains qu'ils ont derrière eux. Qui est ce qui rend habituellement l'art et le game design intéressant, mais pour en faire un système politique, il faut justement essayer de s'en débarrasser, puisqu'on ne cherche plus un point de vue régalien, monarchique, mais l'expression de la maximisation des points de vue, cette fameuse citation que je ne retrouverai jamais, mais qui était « Est démocratique une société qui se reconnaît divisée et s'emploie à résoudre ses divisions ou à les faire travailler ensemble ?» Quelque chose comme ça. Beaucoup plus beau quand on le dit. Ce que tu nous racontes finalement sur les compétences du game designer, c'est qu'il faut qu'il se documente, grosso modo, avant de faire ses jeux, en lisant les textes théoriques, en rencontrant les gens qui ont à voir avec ceux dont il va parler. Je suis tenté de penser que ça, c'est une problématique pour tout créateur. Qu'est-ce qui fait la différence entre un game designer et un romancier, concrètement, en termes de compétences, de savoir-faire? Le romancier va avoir une maîtrise de la langue, le musicien va avoir une maîtrise de la musique, le peintre de la technique picturale. C'est quoi les techniques? Moi, c'est là-dessus que j'ai envie d'aller te chercher. C'est quoi les techniques du game designer? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on fait, justement? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Oh putain, le mec, il me cherche. Dans tous les arts qu'on cite habituellement, la musique, la littérature, le cinéma, etc., il y a des grammaires. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder comment la grammaire du cinéma est advenue, parce que finalement, il était là il n'y a pas très longtemps, à une époque où il y avait quand même déjà beaucoup l'écrit, la documentation, etc. Donc on sait un peu comment cette grammaire est advenue. Eh bien, laissez-moi vous dire que, comme toute recherche scientifique, cette grammaire est revenue au pifomètre. On a tenté des trucs et ça marchait pas. Et après, on a tenté un autre truc et puis ça marchait un peu mieux. Et on a tous retenu que ça fonctionnait correctement. Et donc, la grammaire du jeu vidéo n'est pas écrite. Elle n'est pas écrite, elle est écrite par personne. Et est-ce que... un travelling ou un plan américain, ça produit tel ou tel effet sur le spectateur? C'est un truc qu'on ne savait pas sur le cinéma et qu'on a fini par savoir. Y a cette anecdote cocasse de, je crois, Hitchcock, Orson Welles, qui présente un film dans les années 30-40, je crois, à un producteur de la Fox qui lui dit « Bon, le film est pas mal, c'est très bien et tout, c'est très beau. Par contre, là, vous avez mis une musique pendant la scène d'enterrement mais déprimante, quoi. Mettez-moi une musique de carnaval parce que là, les gens, ils vont se faire vraiment chier, quoi. » Et voilà, la capacité du jeu à être plus que fun, c'est-à-dire à casser le fun et à être intéressant juste, c'est sa beauté. Résultat, aujourd'hui, il faut faire les choses, pas juste parler aux gens qui les font, mais aussi essayer de les faire pour s'apercevoir de... comment est-ce qu'on coule les tapis dans le monde, comment est-ce qu'on emballe des paquets de cartes, comment est-ce que dans une usine on fait ceci, on fait cela, et essayer par le jeu vidéo de faire plusieurs prototypes pour voir lequel réussit le mieux à porter ce sens-là, lequel arrive le mieux à justement qu'est-ce que c'est que faire ça, et pas juste je pensais à plein de jeux qui sont juste des documentaires sur des documentaires commentaires sur ce qui arrive dans la vie. J'ai réécrivé un article hier sur Dysphoria, je ne sais pas si vous voyez ce jeu, voilà, c'est sur qu'est-ce que c'est que de devenir, enfin de faire une des hormones, c'est ça, une transition aux hormones pour devenir trans, enfin pour continuer son chemin de trans. Dans ce jeu, le système de jeu amène assez peu de choses. Très typiquement, Paolo Pedersini, qui fait un truc qui s'appelle Mole Industria, qui fait le truc sur les prêtres pédophiles, le McDo, le jeu, etc., est un excellent théoricien politique, un très bon commentateur et un game designer nul à chier. Enfin, je veux dire, c'est le jeu McDonald's, il te donnerait limite envie d'être gérant de McDonald's, ce serait stylé, quoi, tu vois. Donc, il faut comprendre ce que c'est que de critiquer les choses, il faut comprendre les effets et puis il faut les observer, il faut avec une certaine rigueur comprendre les systèmes, analyser les jeux, les découper, les disséquer avec beaucoup plus de finesse que la presse jeux vidéo ne sait aujourd'hui le faire, évidemment, ça va quasiment sans dire. Mais en même temps, voilà, on ne pouvait pas faire une émission sans taper sur la presse jeux vidéo parce que voilà, taper sur les ados, c'est toujours... Donc voilà, à mon sens, si tu veux, comment est-ce qu'on arrive à apprendre la répercussion, enfin la transition entre l'effet souhaité chez les gens, donc ce qu'on parlait de la dynamique, le sens dynamique. Comment est-ce qu'on apprend ça? Aujourd'hui, il n'y a pas de grammaire écrite. Donc, et en même temps, enfin pour le cinéma, si tu veux, t'as des textes de référence, etc., machin, mais il n'y a pas non plus le dictionnaire de la grammaire du cinéma, où tu vois, enfin. Il n'y a pas de Becherel du cinéma où tu regardes la conjugaison de « Ah, d'accord, un plan lointain, ça produit tel effet. » C'est des grandes connaissances qu'on a, qui se transmettent dans les écoles de cinéma, etc. Dans le jeu vidéo, il y a certaines choses qu'on sait. Si les choses vont vite, ça a tendance à être excitant. Si les choses sont au tour par tour, on peut réfléchir. Et donc, dans quelle position est-ce qu'on veut placer les joueurs? Si les choses sont adversariales, si les joueurs sont les uns contre les autres, est-ce que c'est bien, par exemple, dans un jeu... j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps sur un jeu, enfin il y a 2 ans, sur un jeu pour le palais de Tokyo, donc pour des visites, un jeu tout bête. On m'a demandé à ce que les élèves regardent les tableaux. Voilà, c'était ça l'effet souhaité. Moi j'ai dit ok, cool, on va commencer à faire un jeu. Et tous les jeux qu'on se proposait de faire au début, ils étaient tous adversariaux. Donc résultat, on se retrouvait, forcément, on allait se retrouver avec des élèves qui se tapaient sur la tronche, c'est pas intéressant, quoi. Et donc, il faut soit avoir un truc coopératif, soit avoir du coopétitif, ça existe aussi, on fait des trucs genre en équipe, voilà, le foot, c'est coopétitif, t'es à la fois dans un truc de coop avec les... et en compétition. Là, en l'occurrence, ce sur quoi on s'est arrêté, c'est, vous connaissez Dixit ou le jeu du dictionnaire ou des trucs comme ça, voilà, c'est chercher la communalité, c'est-à-dire on dit aux élèves, vous écrivez chacun le sens du tableau sur un petit bout de papier. Parmi ces sens-là, on glisse le sens officiel, le sens de l'artiste, en fait, ou l'interprétation du musée. Et la personne qui gère le jeu, enfin le Game Master, va récupérer les paplards, lire à tout le monde toutes les interprétations, et vous gagnez des points si vous convainquez les autres que la vôtre est la bonne, et vous gagnez des points si vous trouvez la bonne lorsque vous les désignez. Donc, vous vous trouvez avec des gens qui sont souvent des ados ou des jeunes gens qui ne sont pas toujours hyper lettrés, mais justement, ils peuvent parler de l'art avec leurs mots, avec leurs sentiments, et ce n'est pas juste en disant... le prof qui dit « Bon, vous me faites une dissertation, mais vous utilisez votre propre langage. » C'est vraiment genre n'importe qui. On dit aux élèves, il y a un but, enfin vous avez un truc à faire, et allez-y, quoi. Et alors, résultat, vous avez des grands débats sur l'art. Où c'est, évidemment que y a un sous-entendu sexuel. Mais vas-y, mais ferme ta gueule, t'as jamais vu une chatte de ta vie. Enfin, voilà. Vous imaginez bien les débats qu'il peut y avoir sur l'art, on se retrouve avec des étudiants qui ne l'ont pas vu venir, mais qui sont en train effectivement de discuter de tableaux, de peintures, de sculptures, etc. Et l'ensemble de tous ces efforts produit un effet intéressant à travers les règles du jeu. Et ça, c'est 400 coups dans l'eau avant de réussir à tomber sur la règle du jeu qui produit cet effet. Évidemment, il faut avoir fait au moins 350 coups dans l'eau avant de faire son premier playtest, mais il faut savoir se regarder et reconnaître ses fautes aussi. C'est comme ça qu'on avance. Oui, tu as parlé un petit peu de dysphoria, justement, donc de anentropie. C'est intéressant parce que ça fait appel, du coup, pour moi, c'est très vrai aussi, parce que avant et après mon propre parcours, j'ai joué deux fois à ce jeu. Et je ne l'ai pas vécu de la même façon les deux fois. Et donc, on peut tout à fait imaginer que du point de vue de la game designer, c'est aussi crucial d'avoir un regard justement interne. Donc, ça fait beaucoup écho à ce que tu dis par rapport au travail de recherche, par rapport au fait de confronter les gens, etc. Donc, Ça s'appelle les qualia. Je ne sais pas si ça vous dit un truc, les qualia. C'est les qualités inhérentes des choses qui ne sont impassables par le langage. Si vous dites à un aveugle, si je vous dis « décrivez le rouge à un aveugle », eh ben, bonne chance. Tu vas pouvoir lui dire l'ensemble de toutes les normes sociales. Le rouge, ça fait peur au taureau, et puis c'est la couleur du sang. Mais ça l'a pas avancé sur à quoi ça ressemble, le rouge, quoi. Enfin, c'est une couleur chaude. Oui, alors c'est dans certaines cultures, le rouge, figurez-vous que c'est une couleur froide. Moi, je savais pas. Le rouge. C'est un qualia. Et c'est le truc de est-ce que tout le monde a le même goût du poulet, est-ce que tout le monde... Voilà. C'est l'ensemble de ces trucs-là qui ne passent pas par le langage. Et il y a certaines expériences, ce dont tu parles, qui effectivement ne passeront pas par le langage et réclament à être vécues. Voilà. Et le jeu vidéo, justement, étant la fiction du fer, peut nous mettre en capacité de vivre une fraction de ça. Mais il faut le vivre avec sincérité et pas juste... Et nous faire raser des poils... C'est pas tout à fait la même chose que de vivre cette transition pour de vrai ou avoir un enfant dans un jeu vidéo. C'est une fraction d'un tout petit bout de ce que c'est que l'expérience d'avoir un enfant pour de vrai, quoi. Donc faut aussi reconnaître les limites du médium. Et du coup, en lien totalement avec cette notion justement de faire aux autres par simulation, justement, je me demande du coup, est-ce qu'on serait pas dans une grammaire certes pas encore écrite, mais qui aurait comme noyau fondamental celle du jeu de plateau, celle de la conception de jeu de plateau, finalement, là où le jeu vidéo serait un outil supplémentaire pour faire vivre des choses en plus, mais sans ajouter quelque chose de... un petit peu comme la 3D avec le cinéma, quoi, quelque part. Effectivement, je voulais y venir parce qu'on t'a parlé beaucoup de jeux vidéo depuis le début. Et moi, j'aime beaucoup de jeux vidéo, mais j'ai aussi d'autres marottes, à commencer par le jeu de rôle et le jeu de société plus traditionnel. Et le jeu dont tu parlais au Palais de Tokyo renvoyait effectivement directement à du jeu de société. Alors, est-ce que c'est un jeu de société ? D'accord. Du coup... Est-ce que le travail de game designer est différent ? Est-ce que la grammaire est la même ? Est-ce que les problématiques sont... Qu'est-ce qu'il y a de transversal ? Qu'est-ce qu'il y a de différent sur ces différentes modalités de jeu ? Quel intérêt ça a pour un game designer de les pratiquer les unes et les autres ? Et comment ça peut enrichir son parcours ? Alors pour moi, quand tu es une game designeuse de jeux de cartes, de jeux de plateau... de jeux vidéo ou de jeux physiques, ou même parfois de toys, pour moi, c'est absolument transparent les uns avec les autres. On peut passer de l'un à l'autre. Le seul truc, c'est justement de savoir, de se dire à la base, j'ai cette idée, j'ai ce truc à faire vivre, que je dois faire vivre. Quel est mon outil pour le faire ? Et donc, le trait typique, je vais dans un musée ou pour faire du jeu pour tourisme, on va tout de suite me dire, alors on veut de la VR avec de la réalité augmentée, etc. Et en fait, le truc, c'est pas du tout ça. C'est justement de déconstruire toutes ces attentes-là et de dire, le jeu vidéo est parfois nécessaire, parfois il est le meilleur médiateur d'une relation interpersonnelle, mais parfois, le jeu vidéo est absolument, enfin, pour moi en tout cas, il y a des moments où j'ai trouvé le jeu vidéo absolument inutile et redondant. Je veux dire, dans le jeu que je décrivais tout à l'heure, on gratte sur des petits bouts de papelard, qu'on ait des iPads dans la main ou pas. Au contraire, c'est probablement un truc qui enlève à l'expérience. Et donc, pour moi, ce n'est pas tellement la question de vidéo, pas vidéo, parce que l'écran, pour moi, a exactement le même sens que... Est-ce que, si tu veux, c'est comme si tu venais me demander, monsieur le peintre, est-ce que l'informatique, c'est bien ? Ou monsieur le photographe, est-ce que l'argentique, c'est mieux ? Ou est-ce que c'est mieux de prendre des photos avec votre gros réflexe ? Tu vois ? Ça, c'est pas les mêmes outils, mais en tant que game designer, alors en tant qu'animateur, certes, l'animation à la main sans ordinateur avec des flipbooks, c'est plus limité. Mais voilà, en tant que game designer, on a plusieurs outils. Et quand on veut dire un truc, il faut réfléchir à quel est le meilleur outil pour le dire. Pour moi, il n'y a pas d'obligation du tout de se dire... Et au contraire, je veux dire, il y a tellement de jeux qui sont des jeux de plateau qui bénéficieraient d'un portage sur jeux vidéo. Et il y a tellement de jeux vidéo qui n'ont tellement pas du tout besoin d'être des jeux vidéo, qui seraient tellement mieux en film pour certains, certes, mais en jeu de plateau ou en jeu de cartes, ou, etc., etc. Mais effectivement, voilà, il y a des expériences qui ne se passeront pas du média numérique, quel que soit l'art. La musique électronique au clavecin, c'est pas ouf. Enfin, plus dur en tout cas, je pense. Et pourtant, il me semble qu'un des premiers albums du label de Rhône était... pas le premier album de Rhône, mais du label, et c'était des reprises de morceaux de House au piano solo. Je suis assez tenté de penser qu'on peut mixer. Je posais aussi cette question-là parce que j'avais rencontré il y a quelques années Olivier Lejade, que j'imagine tu connais, qui est game designer aussi, qui me disait que sa réponse assez systématique quand il rencontrait des jeunes gens qui eux-mêmes disaient « Mais comment est-ce qu'on fait game designer ? Je ne sais pas coder, par où j'attaque ?» Il leur disait « Tu prends des ciseaux, des crayons, du papier, du carton, et puis tu commences par faire des jeux de société. » Parce que il y a quand même la problématique de la technique qui se pose. Et quand on parle d'apprentissage, effectivement, le game designer, tout le monde ne sait pas forcément très bien ce qu'il fait. Mais a priori, le cœur de son métier, c'est effectivement pas de coder ou de faire les graphismes, c'est plutôt de faire les prototypes, si je puis dire. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas comment ça se passe, toi qui as enseigné le game design. Quel regard tu as là-dessus ? Quel conseil tu as pu donner à tes étudiants ? Moi, c'est effectivement, ça m'intéresse plus la fabrication des systèmes, donc je vais plutôt dire aux étudiants commencez par faire des jeux de cartes, commencez par faire des jeux de cartes ou des proto-papiers. Moi, j'en fais souvent, mais je veux surtout pas obliger tout le monde à passer par là. Des fois, c'est nul et souvent, c'est contre-productif, ce qu'il vaut mieux faire. Quand je dis faites tout et aimez tout, ça veut dire faites un peu de code et aimez un peu faire du code. Faites du dessin, c'est hyper important parce que vous avez en tête un truc game designer qui est un système complètement immatériel. Voilà. Deux personnes, elles vont se parler. Si vous ne savez pas qui c'est, vous ne savez pas si ces deux personnes, elles sont amoureuses, si elles sont amies, si elles sont ennemies. Et pourtant, entre elles, c'est évident. Enfin, il y a un système entre elles qui est absolument limpide. C'est le truc assez typique du loup-garou, quoi. C'est genre le loup-garou ou cache-cache, c'est des trucs qui se jouent. Il n'y a pas de carte, il n'y a rien. Et pourtant, il y a un système de jeu limpide. Donc, game designer, game designeuse, écoutez-moi, apprenez tous les moyens de communication. Le dessin, la musique, quelle que soit la façon dont on doit passer son idée, il faut la faire comprendre à tout le monde. Il faut essayer de pré-créer l'effet qu'on veut créer chez les humains. Et donc, il faut savoir... Enfin, pour moi, voilà. Et en même temps, tu vois, genre, t'écoutes Jonathan Blow, il te dit, mais si t'es pas un codeur de ouf, t'es pas un game designer. T'écoutes Oscar Barda, il te dira, mais franchement, si tu sais pas dessiner, c'est genre, mais va te cacher, c'est pas la peine d'être game designer. Voilà, chaque game designer qui a sa petite spécialité et... comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, le mec de Harmonix, mais il dira la même chose sur la musique. Il dit, mais non, mais... Game designer, il y a un truc du rythme, de machin, de, etc., des systèmes de relations entre les choses. Tu peux pas le comprendre si t'as fait de musicologie pendant 40 ans, tu vois. Ok, super les mecs. Moi compris, hein, tu vois, genre, on est tous des crétins parce qu'on a notre biais qui est, moi je comprends la vie par ce bout-là, c'est mes modes de fonctionnement, c'est je peux faire des petits schémas, gribouiller des trucs, faire des peintures, etc. Je dis, pour moi, mon entrée du game design, elle est aussi par là, elle est aussi par... apprendre d'autres médias pour réussir à fabriquer ces prototypes et à exprimer ce qu'on a à dire. Mais pour les étudiants, je leur dis, bah, genre, prenez ce que vous kiffez, parce que c'est comme un régime, tu vois, c'est genre, le meilleur régime, c'est pas couper les carottes ou couper les machins, c'est genre, c'est celui, peu importe le régime, celui que vous pourrez tenir le plus longtemps. Ça, c'est un bon régime pour vous. C'est votre régime. Et pour les étudiants, c'est la même chose. Faites un truc que vous kiffez et ce sera votre façon de game designer. Parce que si vous aimez pas ça, bah, vous allez juste vous perdre dans le game design, c'est pas la peine, quoi. Oui, j'ai l'impression qu'on touche un peu là la question du le statut d'art du jeu vidéo et que finalement notre question est un peu résumée en comment on fait un artiste et que du coup c'est aussi une notion de philosophie de vie, un petit peu comme qu'on verrait deux joueurs de Go qui s'affrontent et que ça résume un peu leur pensée. Qu'est-ce que tu en penses? Alors les joueurs et les faiseurs de jeux sont pas les mêmes. Je dirais qu'effectivement voilà la question est absolument pour moi comment on fait un artiste, enfin une artiste, un artiste. Comment on fait des artistes, c'est une question qui se pose. Je voudrais pas non plus enfoncer mes convictions politiques dans la gorge de tout le monde, mais on fait des artistes en faisant des gens sensibles, en faisant des gens qui en ont quelque chose à foutre des autres autour d'eux, du monde. En faisant des gens qui ont une forme de sensibilité. Alors, on pourra me trouver un million de contre-exemples d'espèces de nazillons qui sont grands réalisateurs, ou etc. Mais pour moi, même sans le savoir, ils sont perméables, ou en tout cas, le monde permet leur peau. Donc, effectivement, voilà. Si la question, c'est comment on crée des artistes, il n'y a pas la réponse, je suis désolé. Si la question, c'est comment... c'est alors après voilà, il y a quelqu'un qui est une de mes grandes stars qui s'appelle Davy Riden qui a fait The Stanley Parable que vous connaissez sûrement et plus récemment The Beginner's Guide. The Beginner's Guide, c'est exactement cette question là, c'est qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce que l'artiste dit de lui à travers son œuvre. Et évidemment comme dans The Stanley Parable, il vous le retourne dans tous les sens jusqu'à ce que vous sachiez plus où est le nord, mais voilà, cette interrogation-là, elle est légitime et elle est évidemment pas simple, sinon je pense quelqu'un aurait écrit un bouquin pour la résoudre. Tu cites beaucoup de jeux depuis le début. Est-ce que aussi pour devenir game designer, tu disais qu'il faut tout faire, mais est-ce qu'il faut aussi beaucoup jouer puisque comme tu l'exprimais un peu plus tôt, la grammaire, elle est encore en train de se définir. Il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas trop, sur lesquelles on tâtonne beaucoup. Est-ce que le fait de beaucoup regarder les jeux des autres, c'est une condition sine qua non pour apprendre à faire des meilleurs jeux, ou est-ce qu'on peut sortir de complètement autre chose, des choses qui vont magiquement, mirifiquement bien fonctionner en jeu? Alors là, il y a des coups de tête qui se perdent, parce que dans les gens qui sont théoriciens du jeu ou qui viennent me voir et qui font des thèses sur le jeu, ils sont partis pour se taper 3 ans à écrire sur un sujet généralement qui les intéressent ou qu'ils ne connaissent pas très bien, donc sur lequel ils sont curieux, et ils sont pas prêts à jouer. C'est vraiment c'est être critique de film sans regarder de film, quoi. C'est absolument ridicule. On ne devient pas game designer, théoricien du jeu ou académicien du jeu. Et vraiment, moi, il y a des gens qui sont pourtant des sommités assez reconnues, etc. S'ils ne jouent pas, je les écoute pas. C'est même pas la peine parce que on ne comprend pas. Le jeu se joue. Il se comprend par le jouer. Et si on n'y joue pas, à part quelques très très très très rares exceptions et après 15 ans de pratique du jeu hyper assidu, on peut comprendre en regardant une vidéo YouTube certains jeux. Parce qu'effectivement, le Call of précédent, si on y a joué, le Call of de cette année, on va comprendre. Voilà. On comprend un peu ce qu'il raconte. Et encore, tu vois, même là, il y a des subtilités. Même là, il y a des trucs que tu capteras pas de la même façon. Parce que voir les choses, vivre les choses, c'est pas la même chose. Et reconnaître la force de notre média, le jeu, que ce soit le jeu vidéo, les jouets, enfin voilà, moi j'adore le titre absolument crétin que j'avais eu à un moment dans un ministère, dont je tairai le nom pour. qui était conseiller sur les jeux, les jouets, les jeux vidéo, les sports et activités ludiques. Genre, ils t'ont mis tous les. Ils te les ont tous mis les uns à la suite des uns des autres. Et en même temps, voilà, enfin, le. Je ne sais pas si vous connaissez Grand Illusions, la chaîne YouTube de ce vieux monsieur qui s'appelle Tim, je ne sais plus comment, mais qui montre des jouets de toutes les époques, des jouets trop chelous, des jouets trop marrants. Et même ça, tu vois, enfin, t'apprends des trucs sur le game design absolument fascinant parce que tu dis ah tiens, et hop, peut-être tu réinvites ça à l'intérieur d'un jeu vidéo. Tu réinvites tous les jeux et tous les jouets sont à pratiquer. Il faut s'intéresser à la façon dont on sculpte, la façon dont on peint, la façon, etc. Et évidemment, la façon dont on fait les jeux ne s'apprendra pas sans jouer. Ça, là, il y a vraiment, c'est le seul impératif, si tu veux, par lequel je passerai, effectivement, c'est qu'on ne peut pas être, que ce soit théoricien ou journaliste ou quoi que ce soit, on ne peut pas parler des jeux ou en faire métier sans y jouer. Du coup, si je comprends bien, donc, au sein des artistes, on a les artistes peintres, les cinéastes et entre autres les game designers et les game designeuses. Et bah, par exemple, on peut être peintre et être spécialisé plus dans l'aquarelle ou autre. Au niveau du coup, si on fait du game design, est-ce qu'il y a des spécialités ? Est-ce qu'on peut former justement quelqu'un au game design, mais avec un biais particulier qui fait que cette personne saura mieux faire un certain type de jeu qu'un autre ? Alors ça, c'est un truc sur lequel je suis encore en exploration intellectuelle, moi, parce que j'ai écrit une série d'articles qui s'appelait « Des mouvements artistiques dans le jeu vidéo ». Et je cherchais justement qu'est-ce que c'était les genres, ou qu'est-ce que c'était, tu vois, un mouvement artistique, à quoi ça correspond alors. Et un genre, ça correspond à quoi, tu vois. Et donc, tu vois, la distinction entre le portrait, la nature morte, le machin, à quoi ça correspond dans les jeux vidéo, etc. Et les différentes techniques, à quoi ça correspond, etc. Et je m'interrogeais comme ça sur, en fait, bon, maintenant, on est un peu tous perdus dans ouais, le game design, c'est nouveau, machin. Dans 200 ans, qu'est-ce qu'il en restera, quoi ? Comment on le classifiera ? Comment on les mettra ensemble ? Comment, etc. Et donc, tout ça, moi, m'intéresse beaucoup. Pour moi, effectivement, voilà, la question de la technique, si tu veux, elle se parle aussi dans le jeu vidéo. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, hein, on peut être graphiste et faire des posters juste comme ça pour le plaisir. Mais quand on est graphiste et qu'on travaille pour quelqu'un, c'est pas tout à fait le même métier. Pour moi, on n'est pas un artiste au sens où on ne fait pas de l'expression uniquement pour sa beauté, en fait. Tu sais, il y avait cette citation d'Oscar Wilde qui est assez belle, qui est « All art is quite useless », tout l'art est assez inutile. Eh bien, à partir du moment où c'est utile, pour moi, c'est quasiment plus de l'art, si tu veux. Et donc, je dirais que le game design, quand tu bosses dans un gros studio, quand tu bosses sur autre chose que juste l'expression, ça commence à dézinguer un peu le statut d'art du game design. Alors, je ne nie pas que le jeu vidéo puisse fabriquer de l'art, enfin, puisse être un art. Ça ne veut pas du tout dire que tous les objets à l'intérieur du jeu vidéo sont de l'art, bien évidemment. C'est peut-être un peu redondant, mais il est toujours bon de le préciser. Mais donc voilà, effectivement, le game design, c'est l'art de faire des choses aux gens, de la même façon que d'autres sont les arts de représenter par la peinture, par la musique, etc. Et le game design peut aussi se faire des blockbusters avec tout ça. Mais à mon avis, oui, il est dans les grandes familles d'art un peu basiques, tu vois, où il y a effectivement sculpté la matière, enfin tu vois, genre modeler la matière pour faire du sens, étaler des pigments, ou en tout cas faire un truc qui se voit sans volume, faire un truc qui se joue, pas au sens du jeu, mais au sens du théâtre, justement, etc. Et justement, en ce moment, un de mes grands trucs d'investigation, c'est ce qu'on appelle la période de la seconde oralité. Je ne sais pas si ça vous dit un truc. En gros, il faut imaginer que, en gros, jusqu'à Gutenberg, la majorité écrasante des histoires qui étaient racontées n'étaient pas écrites. Elles étaient forcément racontées. Et donc, à chaque fois qu'une histoire était racontée, elle était d'une part forcément un peu modifiée, et d'autre part, performée. Et que donc, avant l'écriture, la littérature, c'était quasiment que du théâtre, quoi. Que, en plus, l'écriture a été quand même vachement cantonnée au bigot qui copiait la même chose. Voilà. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup, si tu veux, à cette notion-là de fabriquer une histoire en la performant. Pourquoi ? Parce que quand on est game designer, game designeuse, eh bien, on fabrique une histoire qui va être forcément performée. Le jeu est inerte. Il existe, le Monopoly, c'est une boîte inerte. Et parce qu'on a un processus qu'on appelle l'instanciation, il devient la partie qu'on a jouée de Monopoly, c'est une instance du Monopoly. C'est une des existences possibles de ce jeu-là. Et donc, dans l'oralité, l'idée, c'est ça. C'est que dans l'oralité, forcément, l'histoire que je vous raconte là en ce moment, c'est une instance de cette histoire. Et c'est seulement quand l'écriture arrive et devient massive, etc., qu'on se sépare de ça, puisqu'il existe une instance référente. L'Iliade, après avoir été racontée des milliers de fois, probablement modifiée, changée, etc., est devenue ce texte-là, et ce texte est devenu une référence, et on a pu aller lire entre les lignes ou décrypter ce que ce mot-là voulait dire à tel moment-là. Et avant, on ne pouvait pas faire ça. Et donc, pour moi, il y a ce chemin-là de l'humanité est hyper intéressant en exploration, et ça s'appelle la seconde oralité, c'est-à-dire l'idée qu'on arrive avec le jeu vidéo à un moment, évidemment le jeu vidéo ne l'a pas inventé, mais on revient à une période massive où les gens peuvent se ressaisir d'un peu tout parce que tout le monde a Photoshop ou machin ou des logiciels, des trucs, et que quand tu reçois un mème et que tu veux le re-raconter, tu vois, un truc de chat et que tu veux le re-raconter, et ben tu peux le remodifier. Et quand tu reçois une histoire ou une blague sur YouTube ou sur Twitter ou sur n'importe quoi, tu le prends et puis tu le réédites et tu le rechanges à chaque fois. Et donc, on se remet à reperformer les histoires, les images et les jeux et les choses qui vivent autour de nous. Ça m'intéresse beaucoup ce que tu racontes, parce que comme mon cœur de compétence en jeu, c'est le jeu de rôle. Pour le coup, cette problématique de l'oralité, de l'instanciation et du récit qu'on réinvente et sur lequel on crée de multiples variations, j'ai un peu les deux pieds dedans. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a dans ce rapport-là peut-être des facilités sur cette modalité de jeu, le jeu de rôle, qui est pour le coup un jeu du récit conversationnel, donc qui effectivement peut se rapprocher assez fort de ce que peuvent produire des conteurs ou de ce qu'on peut produire il y a fort fort longtemps des minstrels ou des colporteurs d'informations. Est-ce que cette production de récits de la part du joueur qui re-rentre dans le jeu, c'est pas une des limites aujourd'hui techniques du jeu vidéo, je sors un peu de notre sujet, mais qui c'est pas un des murs encore à casser en jeu vidéo, de le joueur au-delà de son instance, il va aussi apporter une modification dans le jeu, enfin, il va apporter du récit lui-même, il va enrichir le jeu au-delà des commandes qu'on lui donne. Alors oui et non, c'est toute l'idée que quand on amène une nouveauté dans un art, elle efface pas le reste, elle casse pas le reste. Généralement, elle transforme les façons de le faire, mais il y a encore aujourd'hui des gens qui font de la peinture baroque. L'architecture gothique, ça se fait un petit peu moins, certes, je le reconnais volontiers, mais voilà, on n'efface pas les choses qu'on remplace. Et je pense que s'ajoute de plus en plus aux jeux vidéo. Parce que Minecraft est arrivé, parce que plein d'autres gens, etc. L'idée que les joueurs peuvent recréer du contenu à l'intérieur. Ça, on revient sur un autre outil qui est l'idée qu'il y a trois grands profils de joueurs. Il y a un monsieur qui s'appelle Mark Rosewood, le mec qui a créé Magic, The Gathering. Il dit qu'il y a trois grands profils de joueurs, ceux qui aiment vivre l'expérience, et particulièrement l'expérience sociale, ceux qui aiment créer Donc dans le Magic, c'est créer des decks et tout, mais dans Minecraft ou dans les Sims ou dans SimCity, on voit bien que c'est toujours les mêmes. Donc c'est ceux qui aiment créer et partager et ceux qui aiment vaincre. Lui, il voit les trois sets à Magic, il voit des gens qui viennent, qui traînent, qui sont là pour être là, qui aiment bien jouer à Magic comme ça, mais qui... Bon, la victoire, ça leur fait plaisir parce que ça nous fait tous plaisir la victoire, mais voilà, ils se font pas une vie de ça. Et t'as des gens qui, voilà, qui vont aller jusqu'au bout, qui font de l'e-sport, quoi. Donc, t'as tous ces profils-là, et parmi ces profils-là, effectivement, il y aura ceux qui adorent créer et ceux qui adorent vivre à l'intérieur de ce qui est créé. Ça, pour moi, il n'y a pas trop de doute. Aujourd'hui, on est absolument incapable, modulo, dans 10 ans, si peut-être on aura des IA balèzes pour faire ça, mais aujourd'hui, on ne sait pas discriminer un bon contenu d'un mauvais contenu. Donc, quand les joueurs créent, il faut faire le tri, il faut faire des systèmes de notation à la con pour les modes, etc. sur Steam. Tout ça est absolument, pour moi, très peu intéressant, quoi. C'est fascinant, si tu veux, en tant qu'outil humain, mais s'il génère un tel contenu chiant, tu vois, pour un truc intéressant sur les modes Skyrim, il y a 400 meufs à poil, tu vois, 400 modes pour transformer tous les NPC en meufs à poil. Genre, c'est médiocre, tu vois, pourquoi pas, je sais pas. Mais effectivement, on continue dans les outils théoriques, mais il y a un monsieur assez intéressant qui s'appelle Frank Lanz qui dit les jeux multijoueurs, c'est le game design inversé. C'est-à-dire, quand tu regardes un jeu de combat, un jeu de bagarre, avec deux gens qui s'affrontent, eh ben, l'une est en train de créer le puzzle le plus complexe pour l'autre à résoudre. Et l'autre doit résoudre ce puzzle tout en recréant un puzzle complexe. Et donc chacune des deux joueuses est en train de faire du game design pour l'autre et inversement. Et même chose pour le Go, même chose pour les échecs, où tu as deux joueuses d'échecs, eh bien, elles se posent des questions et s'y répondent en même temps et ont cet échange-là... Qui est un échange qui tient quasiment du game design. Et il y a une conférence super qui s'appelle Counting Frames de Frank Lanz qui est absolument fascinante sur le sujet. Pour revenir un peu plus dans le sujet et poursuivre sur ce que disait Céline tout à l'heure sur les, en gros les mouvements artistiques du jeu, ce qui fait l'essence d'un artiste de façon générale. Alors j'entends bien qu'il y a quelques réserves sur le fait de placer les game designers comme artistes, mais ce qui fait aussi un artiste de façon générale, c'est son style. Comment on va l'identifier, comment un guitariste, sa façon de jouer va nous permettre de repérer qui c'est sans même avoir besoin de le regarder. Est-ce qu'on a des choses un petit peu comme ça en jeu ? Est-ce qu'on commence à avoir des pattes de game designer qui émergent où on peut jouer au jeu sans en avoir aucune information et dire ça ressemble à un jeu de et pouvoir identifier des gens ? Parce que c'est ça aussi qui commence à faire art. C'est quand les créateurs ont leur style. Alors, y a un premier truc sur les créateurs, si tu veux, les créatrices créateurs. Effectivement, il y a eu tout un truc où on a essayé de faire la nouvelle vague du cinéma français, mais sur le jeu vidéo, où Sid Meier met ses couilles sur tous les jeux. Il y a plein de gens comme ça, ou un jeu de machin, et en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont aperçus que, d'une part, c'est méga malhonnête, tu vois, parce que tout le monde fait Fumito Ueda et tout. Mais le gars, il y a 400 personnes avec lui qui bossent sur les jeux, genre, c'est pas les. Tu vois, il est directeur artistique, mais. Son vrai DA, son vrai directeur musical, c'est toujours les mêmes, ils sont là avec lui depuis 15 ans, tu vois. Le studio Ghibli, c'est le studio Ghibli, tu vois. C'est pas juste le chef du studio Ghibli ou le PDG du studio Ghibli, tu vois. Oui, il y a des DA qui sont importants, qui apportent une patte très particulière dans le jeu vidéo. Moi, je suis effectivement pour que les gens s'intéressent à qui sont derrière les jeux, qui sont les gens derrière les jeux, etc. Mais. Fondamentalement, je veux certainement pas qu'on mette uniquement le nom des game designers sur la boîte. Je trouverais ça. Reconnaître le jeu vidéo en tant que effort commun de tout le monde à l'intérieur de la boîte et que la codeuse et la QA sont aussi responsables que le game designer à l'intérieur de la boîte. Pour moi, c'est important de le reconnaître et de dire. On fait des crédits et limite tu les mets dans l'ordre alphabétique ou dans un ordre random, etc. Moi, ça me casse les couilles, les crédits. Mais effectivement, voilà. Si la question, si tu veux, c'est Est-ce qu'on commence à voir des styles qui émergent? Oui, Jonathan Blow, par exemple. Voilà, tu regardes ses 15 jeux, il s'intéresse à peu près à la même chose, à des explorations des systèmes sur un aspect très, très code, etc. T'as des game designers comme Sam Barlow, t'as des game designers comme Mike Bethel, qui sont comme ça, pareil, assez identifiables, où tu reconnais un peu leurs pattes dans leur jeu. Mais il faut reconnaître que, si tu veux, on en est plus là tout à fait dans le game design, mais on est quand même pas loin de l'âge des cavernes où t'as quatre connards avec une craie qui peignent sur les murs et tu dis oui, alors bon, il y en a un qui est un peu plus comme ça et un qui est un peu plus comme ça, mais niveau stylistique quand même, grosso modo, on n'est pas hyper loin les uns des autres, quoi. On est tôt dans l'histoire du game design formalisé. Il a existé pendant des siècles, enfin je veux dire, voilà, on va pas refaire cet argument, les jeux c'est vieux, mais les jeux c'est quand même méga vieux. Les dinosaures jouaient, de ce qui a été découvert il y a pas très longtemps, en paléontologie. Mais donc voilà, les jeux c'est vieux. Par contre, en termes de formalisation de la discipline, effectivement, on est assez récent. Et donc les pattes se distinguent, mais pas non plus autant que dans d'autres arts qui ont... Parce que enfin, moi j'y pensais, je pensais pour le coup aux jeux de société où les équipes sont un peu moins nombreuses, mais cette problématique de qui est l'auteur, on la connaît bien dans un autre domaine qui est le cinéma, où pour le coup le réalisateur il n'est pas tout seul, sans son scénariste, sans son chef-op, ça parle moins. Effectivement, souvent il travaille avec les mêmes, n'empêche qu'en cinéma, le réalisateur signe son film de façon assez générale. En tout cas, en France, c'est très très marqué comme ça aussi. D'où ma question sur effectivement les styles créatifs pour des créateurs de jeux. Et puis j'ai pensé aussi dans le cadre d'autres formats de jeux qui sont du jeu de société, par exemple, où les équipes sont quand même moins nombreuses et qu'au-delà de la direction artistique graphique, effectivement, il y a un game designer qui est le concepteur vraiment de A à Z. On a reçu il y a quelques mois maintenant Antoine Boza. Il y a des variantes indéniablement dans ces jeux. Mais j'ai parfois le sentiment quand même qu'on peut commencer à identifier un jeu de Boza quand on y joue, parce qu'il y a des petites obsessions thématiques, des choses qui reviennent. Et puis pour le coup, c'est pas un hasard. Lui, quand il fait ses jeux, il commence par l'histoire qu'il veut raconter avant de voir quel game design il va mettre en place pour raconter cette histoire-là. Je vois que Célène, tu as une question à poser. Oui, moi j'aimerais bien creuser même là-dessus, et tu dis que c'est parce qu'on sort à peine de la préhistoire du jeu, moi je veux bien l'entendre, mais est-ce que tu penses que ça veut dire que dans 50 ans, on sera capable de mieux dessiner et de mieux identifier la patte d'un créateur ou d'une créatrice de jeux vidéo? Ou est-ce que, alors sans se prétendre extra-lucide, hein, mais est-ce que au contraire, les équipes se complexifiant, s'intensifiant encore, le travail de création de jeux vidéo devenant de plus en plus titanesque, et est-ce que au contraire, on va vers une industrialisation sans âme? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est un peu rude, mais futurologie en force. L'interrogation est un peu dure, mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur... C'est pas parce qu'on va avoir quelques jeux, tu vois, enfin, GTA 28, c'est sûr qu'il y aura 8000 personnes qui bosseront dessus, ok, pas de doute, mais il restera plein de gens en solo qui feront toujours des jeux de plateau et qui feront toujours de A2, A3, etc. machin. Et au contraire, si tu veux, s'armant de trucs plus puissants, etc., ils pourront faire, tu vois, genre faire un jeu qui ressemble à un jeu trop beau de Unreal, etc. Dans le turfu de l'avenir, c'est probable que ce sera plus simple qu'aujourd'hui, quoi. Maintenant, est-ce que armé de tout ça, on sera mieux capable d'identifier les choses, etc. Je pense que oui, parce que les gens seront mieux à même, comme on aura beaucoup écrit cette grammaire, si tu veux, ou qu'en tout cas on la reconnaîtra mieux. Et ben, les gens qui ont des thèmes à explorer qui leur tiennent à cœur, et ben, un peu à la Tim Burton, tu vois, on les retrouvera un peu comme ce que vous dites, ce que tu dis sur Boza, que je trouve assez juste. Mais et encore, tu vois, enfin, je veux dire, c'est aussi des grands mouvements artistiques, tu vois. Moi, j'ai grandi dans une famille très très très portée sur l'art pictural, etc. Donc, je sais reconnaître un Donatello, d'un Raphaël ou d'un Michel-Ange, si tu veux. Mais je pense pas que tout le monde ait cet œil-là, si tu veux. Tu vois des grands tableaux de la Renaissance. Et effectivement, t'arrives à voir la différence entre un Raphaël et un Picasso, tu vois, enfin c'est faisable, mais c'est chaud, mais ça se fait, mais entre plusieurs maîtres de la même époque, tu vois, enfin voilà, typiquement entre toutes les Tortues Ninja, lequel a fait quel tableau, c'est un peu chaud, quoi. Si t'as pas un peu l'œil et si t'as pas un peu cette finesse là. Et donc oui, comme nous, les toucheurs de nouilles qui de coquillettes ou de ce que vous voulez, qui s'intéressent vraiment aux jeux vidéo et qui s'obsèdent sur à jouer à tous les jeux de etc machin, sauront les reconnaître. Mais très honnêtement, si t'es pas féru de cinéma, tu reconnais pas les films de David Lynch méga bien, quoi. Alors tu parles de ces gens qui jouent à tous les jeux vidéo. En ce moment, j'ai cru comprendre que tu avais une bonne raison de jouer à plein de jeux vidéo. On l'a vaguement évoqué en début de podcast. On arrive plutôt vers la fin, donc on va se permettre, je vais pas dire un instant pro, mais en tout cas un peu de présentation quand même, parce que pour le coup, c'est une initiative qui, je pense, a à voir aussi avec ton parcours. Probablement pas pour rien que tu fais ça en ce moment. Tu travailles chez Black Note et tu es, alors j'ai regardé dans les bios, tu es Grand Curator. Alors, je crois qu'on dit directeur éditorial quand on est bêtement francophone. Ça veut dire que tu joues à plein de jeux et que tu dis lesquels sont bien, lesquels sont pas bien. Dis-nous-en un peu plus déjà sur Black Note et puis sur quel travail tu fais là-bas. Alors, moi, pour moi, Black Note, voilà, c'est la suite de la vie que je racontais un peu trop au début, qui est qu'effectivement, voilà, je veux que tout le monde puisse jouer au jeu. J'ai plusieurs barrières à ça. La première barrière, c'est que quand tu fais jouer des vieux au jeu ou des gens qui jouent pas beaucoup, etc., tu leur dis ah putain, tu leur montres un jeu de ouf, ils disent waouh, c'est trop beau et tout machin, comment je peux l'avoir? Et ben écoute, 2000 balles d'ordinateur pour avoir vraiment des beaux graphismes, et puis ensuite 60 boules de jeu, et puis ok, c'est ok, c'est bon, on y est. Donc évidemment, tu vois, enfin, c'est cette première barrière là qui est le hardware, le machin, l'équipement, tout ça qui est assez complexe. Et la deuxième barrière, c'est trouver les jeux, effectivement. C'est-à-dire que eux, ils disent ah waouh, vraiment Machinarium, Limbo, machin, je sais pas quoi, enfin Journée, n'importe quel jeu, n'importe lequel des classiques que nous on connaît par cœur. Ce jeu est magnifique. Maintenant, comment je fais pour en trouver d'autres? Ben ouais, je vais sur quel blog? Je sais pas. sur GameSide Story, mais sur GameSide Story, il y a aussi des jeux qui sont un peu chum aussi de temps en temps. Et enfin, tu vois, ils font des tests, donc des fois ils mettent des notes pourries, enfin des appréciations pourries à des jeux. Mais comment est-ce que tu reconnais quels jeux sont super? Je sais pas, faut jouer. Donc ça, c'était le premier truc. C'était le deuxième. Et il y a aussi le prix des jeux, qui est le troisième truc. Tu veux un super jeu, tu sais pas très bien s'il est super, vas-y, fais le pari. Tu mets 15 boules ou pas pour savoir si le jeu est bien. Est-ce que tu te fies au trailer et aux gens dont le métier c'est de mentir? Très beau métier, le marketing, mais dont le métier c'est de te faire acheter le jeu, quoi. Est-ce qu'on fait ça ou est-ce que pas du tout? Alors, Black Note, pour moi, résout ces trois problèmes-là. C'est-à-dire que c'est un service de cloud gaming, donc le jeu tourne sur une machine à distance, il te stream uniquement la vidéo, et toi, tu payes un abo. Tu payes Nicolas Sarkozy, pardon, blague pourrie. Tu payes un abonnement, pardon, et tu payant cet abonnement, tu obtiens un contenu. Netflix, Spotify, vous connaissez par cœur. Pour moi, ça lève toutes ces barrières-là. Parce que comme le jeu tourne à distance, toi, il te suffit que tu aies un laptop pourri, une télé même, une Smart TV qui se connecte à Internet aujourd'hui, un iPad, un Mac. À terme, on arrive vers ça, tu vois, n'importe quel écran recevant un internet de qualité correcte, pourra te faire tourner n'importe quel jeu dans n'importe quel dev. Tu pourras mettre Call of avec tous les trucs à donf sur un laptop crapouec de 2011 avec un Pentium 3, quoi. Le plan, c'est ça. C'est si tu arrives à recevoir de la vidéo, on se débarrasse de la barrière technologique. Deuxième barrière dont on se débarrasse, c'est le prix d'achat. Troisième barrière, nous, on s'emploie à faire un moteur de recommandation qui déboîte. Où on peut demander, où les gens, voilà, par exemple, des exemples que je donne souvent, c'est moi, ce que j'ai utilisé toute ma vie comme technique, c'est dis-moi quel est ton livre préféré, dis-moi quel est ton film préféré, je te dirai à quel jeu faut que tu joues. On veut pouvoir faire des moteurs de recommandation qui ont cette patate-là, quoi. Et donc, effectivement, voilà, on utilise plein de techniques d'intelligence artificielle pour réussir à faire ça. Ça résout un truc pour, effectivement, tout ce que je viens de dire pour les utilisateurs, et ça résout un autre problème qui est que, je ne sais pas si vous savez, mais Steam a 13 ans, 13-14 ans, je crois. Et En 2016, 40% des jeux présents sur Steam sont sortis. Car la masse de jeux que ça représente, ça explose tous les ans, il y en a de plus en plus. Et Steam se dédouane complètement de ça. Il fait comme l'App Store, le Google Store, ils disent non, nous on s'en fout, peu importe ce qui se passe, on s'en tape. Donc ce qui se passe, c'est l'explosion des jeux va mener, si tu veux, vers un système comme il y a sur l'App Store ou le Google Store, qui est la course des prix vers le bas, jusqu'à ce que quelqu'un se dise si je fais mon jeu gratos et que je fais payer les gens à l'intérieur, j'ai gagné la course des prix vers le bas, tu vois. Et après, j'ai juste à convaincre les gens. Et donc, tu te retrouves avec mécaniquement des systèmes de prédation parce que tu as fait un système complètement ouvert. Donc, trop de jeux, pas de curation, des gens qui ne s'engagent pas à décider que ils vont faire un geste qui est un geste de sélection artistique et que si vous n'êtes pas content, eh bien, il y a plein d'autres endroits, vous pouvez acheter les jeux ailleurs, etc. Nous, on ne dit pas, si vous n'êtes pas content, cassez-vous. On dit, on se fait devoir de trouver le jeu pour tous les moments, pour tous les goûts, pour toutes les identités, pour tous les âges, pour tous les genres. Le jeu pour vous. Vous avez tous, on a tous, moi y compris, j'en bouffe du jeu, on a tous un jeu préféré qu'on ne connaît pas. Et ma mission à l'intérieur de Black Nut, c'est de réussir à fabriquer des systèmes et à designer des systèmes qui te permettent de trouver ce jeu-là, ces jeux-là. Donc, il y a effectivement tout cet aspect-là, tout ce boulot-là de sélection des jeux, de machin, etc., qui passe, et c'est ce que je disais avant. C'est-à-dire que moi, ça me faisait marrer. Quand je travaillais à la Gaîté Lyrique, on était trois conseillers artistiques de dos, et il y avait le couloir derrière nous. Et les gens, quand ils passaient, il y avait le cum à côté de moi qui écoutait de la musique, qui sélectionnait les concerts, personne ne lui dit rien. Le mec qui regarde des conférences et des machins et des trucs qui sélectionne les conférences, personne ne lui dit rien. Et le gars qui sélectionne les jeux vidéo et qui joue aux jeux vidéo, t'as tout le monde qui est là, pas trop dur le travail. Tu vois? Alors, oui, je kiffe, c'est mon métier. Je ne vais pas vous dire que c'est chiant. Hein. Mais en même temps, quand tu es juge pour des grandes compétitions internationales, tu dois te bouffer 140 jeux dans la semaine. Crois-moi qu'il y en a des chums sur le tas et qu'il faut y jouer quand même, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne comprend pas les jeux sans y jouer. Il faut prendre des notes, il faut dire pourquoi il n'est pas bien, pourquoi il est bien, pourquoi il n'est pas intéressant. Faire des retours, et il faut faire des retours. Et souvent, moi, je fais des retours de 15 paragraphes aux gens qui font des jeux nuls, parce que faut les aider, quoi. Les gens qui font des jeux parfaits, c'est genre, ok, parfait, 10 sur 10, suivant. Et donc, voilà, donc ce métier-là de jouer aux jeux vidéo, c'est un métier qui est... Tu vois, c'est comme tu dis aux gens qui font les critiques ciné dans le Figaro, alors, tu vas encore au ciné ce soir ? Bah ouais, c'est mon taf, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc oui, mon taf, c'est en partie, alors là en ce moment je le fais beaucoup moins parce que j'ai fait cet effort hier sur toute ma vie, donc là pour l'instant on récupère beaucoup de back catalogue, on a de la chance d'avoir 10 ans de jeux méga bien derrière nous, enfin 40 ans de jeux intéressants et 10 ans d'œuvres d'art absolument qui t'éclatent la tête. Donc pour moi, je m'arrête pas là dans l'histoire du jeu vidéo, évidemment, bien plus vaste que ça, et il y a des trucs très très intéressants dans les années 90, mais Il y a des trucs avec un raffinement absolument dingue. Je trouve qu'on augmente en raffinement, donc c'est pour ça que je donne cette deadline-là. Mais voilà, j'arrive avec ce bagage-là. Donc j'ai pas besoin de passer ma life à jouer aux jeux vidéo, parce que j'y ai passé mon adolescence. Donc les adolescents qui passent leur vie à jouer aux jeux vidéo, faites-vous une carrière avec ça. Mais à condition que vous jouiez pas à un jeu vidéo tout le temps, il faut jouer à tous les jeux vidéo, s'intéresser, prendre des notes, etc., machin, s'intéresser à la théorie du jeu, tout ça. Enfin, à la théorie du game design, pardon. Parce que la théorie du jeu, c'est un champ des mathématiques aussi, donc voilà. Pas tard de mathématiciens qui nous ont pollué le truc. Mais dans l'idée, voilà, il faut s'intéresser à tout, et moi, j'ai cette chance de l'avoir fait pendant toute ma vie. Et donc, d'avoir eu ce métier que je trouve très beau chez Black Nut, qui est une boîte dans laquelle moi, je mets beaucoup d'espoir de réussir à casser le moule du mainstream et à aller pouvoir raconter des conneries ou faire un striptease sur 20h de TF1 pour montrer à tout le monde que le jeu, moi, enfin, au fond de moi, si tu veux, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur parce que la condition humaine est moindre si on n'a pas tout ce pan-là de passer du sens par la fiction du faire. C'est tout un pan d'essence et des qualia si je vous montre le rouge, je peux vous montrer le rouge. Mais si je veux vous faire vivre un truc, eh ben, j'ai intérêt à vous mettre dans les bottes de quelqu'un qui le fait. Et donc voilà pourquoi je travaille chez Black Nut et voilà l'espoir que nous y mettons. Mais du coup, l'heure a bien avancé et même dépassé, donc on va pouvoir passer à la question finale. La question finale, c'est parfait parce qu'elle est complètement dans le prolongement de ce que tu disais. Question finale qui est la même pour tous les épisodes de cette saison de Ludologie. Est-ce qu'il y a une expérience de jeu qui t'a particulièrement marqué à toi ? Alors, c'est bien parce que c'est complètement dans le prolongement de ce que tu disais. C'est très, très dur. C'est très, très dur. C'est la question que j'ai à chaque fois. C'est quoi ton jeu préféré, etc. machin. Il y a des expériences de jeu qui m'ont marqué pour beaucoup, beaucoup de raisons différentes. Très récemment, malgré toutes ses fautes, malgré sa crypticité absolument patentée, j'étais très, très touché par The Witness. J'ai été assez retourné par ce jeu. Je le donne comme exemple parce qu'on est dans une émission qui parle des game designers. Et donc, en tant qu'objet de game design, c'est ça qui m'y a touché. Tu vois, enfin, je pourrais citer Inside, je pourrais citer 15 000 autres jeux qui m'ont touché parce qu'ils présentaient des trucs qui visuellement étaient très impressionnants ou qui racontaient des histoires touchantes. Là, pour le coup, moi, c'est le game design qui m'a mais complètement foutu à l'envers sur l'exploration de la vérité, etc. Je m'en suis fait j'en ai fait une vidéo d'un quart d'heure que j'ai dû re-shooter 10 fois parce que la première version faisait 45 minutes, tu vois. Mais voilà, dans l'idée, j'ai été mais vraiment bouleversé par plein de petits aspects de ce jeu, la façon dont il t'amène les choses, la façon dont il te met en concurrence la science et l'art, et qu'en fait, ils ne sont pas du tout en concurrence, et qu'il les réconcilie, et qu'il te fout la religion comme une espèce de truc où tu te demandes mais qu'est-ce qu'il fout vraiment avec la religion, et que tu t'aperçois que dans l'expérience humaine, ça a du sens, etc. Et voilà, c'est un jeu qui m'a beaucoup touché, alors que enfin, je suis profondément athée par ailleurs, tu vois, mais et où je me suis aperçu qu'effectivement, dans l'exploration de la vérité et du sublime en tant que vérité, y avait plus de choses à voir. Et voilà, donc dans l'absolu, j'ai aussi une mémoire à la con, donc de mémoire, tu vois, enfin, je suis plus évidemment. Et je sais que je suis pas le seul parce que tu vois, à chaque. je sais plus qui avait fait cet article à la con, mais à chaque fin d'année, ils font le best-of de l'année. Si t'es sorti en novembre, t'as tellement plus de chances d'être dans les jeux de l'année. Parce que c'est la mémoire un peu récente des émotions qui s'érode un peu avec le temps. Donc, voilà. Mais j'avais été aussi bouleversé par The Talos Principle. J'avais été je vais pas faire la liste des jeux. Je vous partagerai ma liste des classiques. Tu vois, j'ai une classification Steam parce que quand t'as 600 jeux sur Steam, il faut commencer à les classer. Et j'ai un paquet qui s'appelle les classiques, qui sont des merveilles. Event Zero aussi, très récemment, qui était très très bon. Enfin, voilà. Merci beaucoup. C'était Professeur Barda donc, qui nous a fait découvrir des auteurs à lire et des concepts à explorer, qui nous aura parlé tout au long de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié, cette conversation. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur comment on fait les game designers, concrètement, pour faire plein de choses et jouer. Donc je pense que c'est à votre portée. On vous laisse 15 jours pour vous préparer, puis on se retrouve pour le prochain épisode de Ludologie. We'll be right back.